exploiter l'engin. Dès que je l'ai calculé, j'ai validé le projet, ratifié le dossier. De la belette comme ça, c'est du hors gabarit. Je la verrai bien signée au bas d'un compromis. 15 km de jambes, grosse finesse des attaches, et inclus dans le forfait, la cambrure qui cravache. C'est du très haut niveau, ça fait saigner du nez. Je me lance dans la négo dès que j'arrête de bavir. Viser le morceau, t'as vu l'affaire que c'est. Le contrat le plus gros, tout ce qu'elle veut je signerai. Où elle ira, j'irai, j'avais je l'ai dans la peau. Sans deck, mec, c'est affaire, j'la veux, il me la faut. Son odeur, c'est scandale intégral, entièrement mise au point par des gars de la nasale. Dans ce genre de business, faut pas tergiverser, c'est tout en haut de la pile qu'il faut glisser le dossier. Et je te dis pas le dossier, comment qu'il est relié, et le paquet tumeur, comment qu'il est ficelé. J'en ai vu défiler des ribambelles de belle, mais en 20 ans de métier, j'ai jamais rien vu de tel. T'avise le morceau, t'as vu l'affaire que c'est. Le contrat le plus gros, tout ce qu'elle veut, je signerai. Où elle ira, j'irai, je la veux, je l'ai dans la peau. Sans deck, mec, c'est affaire. J'la veux, il me la faut. Déjà rien que la peau en qualité de grain, ça sent la grande maison, tout est fait à la main. Une aubaine de ce type, moi je dis hip hip hip. Pour ce coup du hasard, je remercie toute l'équipe. On m'apporte du marbre, un marteau, un burin. Trouvez-moi un curé, un notaire, un rabbin. Envoyez les dragées, soufflez dans les trompettes, et gravons dans le roc ce contrat pour perpète. T'as visé le morceau, t'as vu l'affaire que c'est. Le contrat le plus gros, tout ce qu'elle veut je signerai. La veux, je l'ai dans la peau. Sans deck, mec, c'est affaire. J'la veux. Il me la faut. Aujourd'hui, le lundi 1er octobre 2018, 1, 2, 3. Chou-mi-chou-mou, nous rencontrons. Michou-mou-mou, chou-mi-mou-mou, nous rencontrons. Michou-michou, michou-mou-mou, nous rencontrons. Michou-mou-mou, le roi de mon monde. Michou-michou, chou-michou-mou, le roi de mon monde. Chou-michou-mou, chou-michou-mou, le roi de mon monde. Le roi de mon mal. Hey! Nous nous sommes offerts le dessert. Un être exceptionnel, un homme extraordinaire, rempli de vivacité, de joie de vivre. Il fait encore les moments les plus chauds sur Montmartre. Un personnage qui me fait plaisir. Mais je vais commencer mon introduction, faites-vous en pas. Aujourd'hui, le lundi 1er octobre 2018, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée

chez Michou. Mon truc en plume, plume des oiseaux, des animaux. Mon truc en plume, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le coup de rein. En plume, rien qu'en passant, ça fouette le sang. Mon truc en plume, ça vous caresse avec ivresse, tout en finesse. Moi je vide ma plume et je plume le bitume. Et c'est au clair de la lune que j'allume les pierrots. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bébête bizarre. Non, ça, ben, c'est presque ça. C'est un. Merci. Un cache-micro. D'accord. Cordélia, vous avez besoin de quoi alors? Non, ben, c'est une adresse pour. Alors, mais il est déjà sorti. Oui. Oui. D'accord, il aurait fallu le faire à l'époque. Je suis fier. Il aurait fallu le faire à l'époque, c'est ça, Bébé. On va voir. J'attends Monsieur Michou. Oh, vous attendez Monsieur. Vous aussi. Oui, mais oui, c'est Michou, il y a trois personnes. Trois. L'autre commence à quelle heure? Non, c'est bon, après c'est quelqu'un pour moi qui connaît déjà. Donc, ok, ok, ok. Le producteur de Chantal Goyard. Ok, ok, ok. Merci. Au revoir. C'est Monsieur Debout, c'est ça? Non, c'est le producteur. Ah, le producteur, ok, je pensais que c'était mal. Non, non. Jean-Jacques, non. Ah, non. Donc, toi, mais ravi, donc, toi, c'est alors donc, le Québec. Oui, eh ben, à fond, plus qu'à fond, avec le gars du Québec. Tu viens régulièrement à Paris? À chaque année. Au même moment, de la fin juin jusqu'à le dimanche suivant, le premier dimanche du mois de juin. Donc, je reste à peu près 7-8 jours. Je fais plusieurs rencontres. Je divise ça sur 52 semaines et je diffuse ça sur la radio CKRL. CKRL, d'accord, oui, c'est la radio CKRL. Oui. Tiens, ben, vas-y, à côté. Merci. Ça n'arrête plus, mon cher monsieur, ça n'arrête plus. La radio CKRL, donc c'est... Eh bien, voilà. Je vais perdre des choses. Comment ça va, mon monsieur Michaud? Monsieur Nana, on enchaîne. Comment ça va? Écoutez, apparemment, je vais. Ça va? On tient la route, sans problème. Mais je m'accroche. Oui. C'est meilleur. Vous êtes, mon cher monsieur, représentatif de Montmartre? Je suis... Représentatif de Montmartre? Oh, écoutez, je pense que je suis un personnage à Montmartre. Comment vous l'avez créé? Avec... ça, c'est le destin. Je suis arrivé de ma province. OK. Je suis dans deux... Il y a deux célébrités à Montmartre, ou dans d'autres quatre célébrités. Dans ma province, je suis né. Il y a Jean-Pierre Pernaut. Oui, ah oui. Brigitte Macron, Emmanuel Macron. Oh! Et il y a des célébrités. Alors les trois règnent ici à Paris? Et en France en général. Quatre, ben oui, c'est ça. Mais j'en connais trois sur quatre. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est en arrivant à Paris que vous vouliez forger quelque chose ou vous êtes venu ici pour... C'est le destin. Toujours le destin. Je suis arrivé à Paris un jour de fête à Mardi. Je pensais le bac. Comme ça, moi, je ne connaissais pas Paris, moi. Et pas du tout. C'était un homme de la région. Vous êtes petit en campagne. Puis à Vaubicard. Oui. Et j'allais quand même vivre Freden. Quand j'allais dans le nord à Lille. Ah oui. Et un jour, j'ai un copain qui m'a dit, je vais te faire découvrir Paris. Ils m'ont dit, ben, c'est un week-end à Paris. Et là, mon destin est arrivé. J'ai vu une rencontre. Et on m'a pris dans un restaurant. Ok. Si je voulais d'appeler. Un petit garçon, voilà, mais à l'époque, il n'y avait pas les machines à gagner. Un plongeur, comme on dit chez nous. Voilà. Et dessin voulu. Et je suis tellement heureux. Le dessin voulu. Je suis devenu maintenant. Et je suis très fier de ça. Je suis devenu une institution. Oui. Et quand on dit. On va chez Michaud. Chez Michaud. Mais comment ça s'est fait? Comment ça s'est produit le fait que vous rendiez là-bas pour. Les ébrouillés. Je suis arrivé à Paris. J'ai donc pris à mon article d'une gérance qui est devenue maintenant le cabaret oui. Célèbre chez Michaud. J'ai pris celui d'appeler en gérance et il s'avérait que. Par la suite, la gérante est partie pour un grand voyage. La propriétaire m'a dit « Michaud, ça ne changera rien pour vous. Vous serez mon petit Jean. » Et moi, j'ai 25 ans. La jeunesse. Je veux être chez moi. Pour me faire le fou. J'ai pas d'argent. Ouais. Elle était extraordinaire avec moi. Et j'ai acheté ce fou. Et puis, ça, c'est très dur à démarrer, là. 56, Papignal, plein. Et puis, en 60, on était deux, trois copains. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Alors, je me dis, si on faisait un petit spectacle, on déconnait tous des cabarets, un spectacle de cabaret. Vous saviez même pas que c'était un spectacle de cabaret. Si on faisait bien, tous les trois. Oui. Et j'ai eu la grande chaîne par la suite. Lucien vous fait-il, et moi mes insectes. On a fait pour Mardi Gras, au milieu de la salle, une demi-heure de nous sortir, on va nous sortir, une imitation. Et le destin a voulu qu'il y ait parmi ces, les gens qui venus nous voir, un journaliste célèbre. Un journaliste célèbre qui le lendemain fait la vie éthérambique en disant quand Paris se travestit, et bien voilà, l'étincelle était partie. Et là, la légende a commencé. Et puis j'ai des grands journalistes, par la suite des animateurs, des télé, qui sont intéressés à moi. Vous savez, tous les endroits, par exemple, il y a la musique. Deux, trois personnels. Il y a Yves Bourouzi. Je sais pas si vous connaissez Yves Bourouzi, il est tout jeune. Bourouzi. Il y a Jean-Claude Brialy. Oui. Il y a trois, quatre personnes célèbres. Alors, ils vont venir de toutes les stars. Qui ont commencé chez Michaud. Chez Michaud. Ils se sont fait connaître chez Michaud. Au départ, ça s'appelait Madame Attel. OK. Et moi, j'étais si loin de pouvoir mettre mon nom. Oui. À Montmartre, dans une rue célèbre. Mais comment la légende Michou a commencé? Comment on a commencé à vous appeler Michou? Est-ce que c'était petit? Non, c'est tout petit. Je veux pas dire moi. Oui, j'ai fait un très beau livre. Un très beau livre qui vient de sortir et qui m'a très fort. Michou, prince bleu. Okay, oui, effectivement. Dans la nuit. Et même, comment ça va? Michou, ma grand-mère, à qui je vais aller la norme, hélas. Ok. Bah, ouais. Je lui ai dédié le livre. Ma grand-mère m'appelait Mimi. Mimi. Et Mimi, quand j'ai commencé à grandir, je savais mes fiancés. Oui, voilà, Mimi. Il m'appelait Chouchou. Ah, Chouchou. Okay. Ah, j'ai 20 cocktails. Michou. Alors, vous l'avez compris. De là est venu Michou. Eh ben. Ah, mais je suis très heureux. Et le décor que l'on connaît aujourd'hui, ça s'est transformé à quel moment? Mais pas au début? En 60. En 60, OK. J'arrive. tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, venez voir mourir. Le dernier sexe symbole, venez tous applaudir. À la fin d'une idole, j'ai passé ma vie à ne rien faire que ce qu'on m'a dit. Je sors dans la rue, sans maquillage. Personne ne s'arrête sur mon passage. Même ceux qui rêvent de moi la nuit. La drogue, c'est l'alcool. Je suis de la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toutes les nuits, je rêve qu'on me viole. Moi qui suis sage comme une image, comme une image. Parce que ça vous représente. Il y a une âme. Oh oui. C'est vrai, vous avez raison. Entièrement raison. C'est vrai, c'est un cachet. Vous êtes venu déjà? Ben oui, deux fois. Oh, vous avez... Non, j'y vais très discrètement. Je suis allé l'année dernière. et en arrivant le dimanche. Mais vous êtes Canadien? Québécois. Alors, je vais vous raconter une chose, mais hors antenne. Non, allez-y. Hors antenne. Non, allez-y. Je suis à sans aller plusieurs fois pour la guerre de Montréal. À Montréal, oui. Parce que j'avais un ami qui est en Chimiche. Et puis, c'est à moi, parce que l'attaché de presse, il s'appelait Guy Latraverse. Ben oui, le grand Guy Latraverse, qui a fait des spectacles pour Diane Dufresne, pour Claude Frouet. Il est en pleine forme, Guy Latraverse. Et il m'a emmené, il voulait absolument que je joue à cabaret à Montréal. Est-ce que ça s'est produit? Guy Latraverse. Et moi, je n'ai pas mon affaire là. Ok. Je suis très attaché à mon map. J'ai pas voulu jouer. Oh. Les régimes. Ouais. Regardez, j'ai quand même un certain âge. Je pourrais être obligé de prendre l'avion demain pour aller dire bah, un petit coucou, mes amis canadiens. Québécois, ouais, pardon. Oui. Guy Latraverse. Ah oui, mais le monde est ici. Le nom. Ben oui. C'est Guy Latraverse qui m'avait découvert. Le Québec, Montréal. Le Montréal. Hey, c'est bien. Puis en plus, le Montréal Nightlife, la nuit à Montréal, c'est très, très festif. C'est très... Je vais vous donner une anecdote. Oui. Je fais la connaissance de l'ami, dont un Canadien qui était souvent chez Mich. Et je lui dis, quand je suis à Montréal, je rencontre ce garçon qui est très sympathique. Et avec ses amis, il faut un déjeuner pour moi. Et moi, son ami, je sais, il est père de famille. Et moi, sa femme et ses enfants. Et moi, j'étais très maladroit. Et puis, maladroit, je ne savais pas. Oui, c'est ça. Oui. Je lui pose une question. Je lui demande comment vont ses gosses. Oui, pour nous les gosses, on sait c'est quoi, oui, effectivement. Ah, il me dit que son accent canadien, mais tu dis quand tu t'occupes de mes gosses. Oui, ben oui, effectivement, voilà, c'est vrai. Mais il y a des différences, oui. Il y a des expressions typiquement québécoises. La famille, les gosses pour nous, c'est plutôt en bas, c'est pas des enfants. Il parlait du sexe. Oui, exactement. En fait, c'est des testicules, les gosses. Oui. Alors, au moins, quand même. Oui. Et avec les années, est-ce que vous trouvez que Montmartre a changé? Oh, on pose souvent cette question. Oui, je sais qu'elle est... Oui, moi aussi, j'ai changé. Oui. Évidemment, si je me rappelle... Mes débuts, évidemment, ça a changé. C'est beaucoup plus. Même par où de pique, avant ici, il y avait des marchands, des balades, oui. Des marchands de quelle saison. Ah oui. C'est mon tour, c'est fini, tout ça. Je vous ai vu il y a 7 ans, j'étais en entrevue avec Gilles Verlan. Le biographe de Serge Gainsbourg, et nous étions dans un café à côté de France Inter, et vous étiez là avec des amis à boire le champagne dans une grande... Et c'est mon ami qui m'a dit, le monsieur qui est là-bas, c'est Michou. J'ai dit, ah oui, puis là, il m'a raconté votre histoire, et j'ai dit, un jour, je vais le rencontrer. Et vous lirez bien mon livre. Oui, je vais le lire avec plaisir, oui, effectivement, pour le relater au... Pour le relater aussi au public québécois, parce que vous êtes quand même une sommité ici à Montmartre. Quand le public québécois, ben, on fait les amis, ben oui. Vous allez le lire, et bien je pense que vous aurez beaucoup d'émotions. Oui. J'ai rencontré un peu même à mes débuts, on arrive à Paris, ma jeunesse, j'ai dédié ce livre à ma grand-mère. J'étais devant ma grand-mère. Et bien sûr. C'est ça que j'ai fait. Quand je suis arrivé à Paris, elle parlait toujours de la SVRM. Et comme elle me dit, tu seras mon bâton de vieillesse. Et bien, heureusement, ah oui, la vie a voulu ça, oui, vraiment. Oui. Je vais faire un très beau livre, La vie en bleu. Et je vais dédier ce livre. Et la Guadeloupe, ben oui, ben oui, je la connais très bien. Est-ce que vous avez vu... Vous avez rendez-vous avec elle, il y a quelques... Oui, avant-hier. Je connais tout. Elle a chanté avec... Et je dis, moi, je serai le bouquet final. Ah, oh, oui, exactement. La Rossanel, c'est une chanteuse de Montmartre. Ah, oui. Adorable. Et... Elle va chez Michou. Elle vient chanter tous les lundis chez moi. Exactement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle est fière d'elle. Eh bien, c'est bien. Vous avez vu, durant votre carrière, durant votre vie, plusieurs artistes qui ont passé chez vous. Est-ce qu'il y a des anecdotes savoureuses que vous voulez nous raconter sur certains artistes? D'abord, bonjour. Bonjour. Très bien. Ben oui, très bien. Vous. Ça va? Bonjour. Je chante le grand trois. Ben oui. Comme toi. Oui, ils sont pas un peu osés, alors Jacques. Allez-y, moi c'est diffusé en soirée, ne vous en faites pas, allez-y. Moi j'admirais Jacques Brel. Ok, c'est-à-dire. Ils sont noirs avec sa petite amie qui a l'amour, très amoureux d'ailleurs. Et Jacques, un soir, on est vraiment amis. Et il envoie un jour une carte postale. Jacques Brel. La chanson de Jacques Brel? Non! Où était Jacques Brel? Son livre, L'île de Jacques Brel. Ah, les Marquises? Les Marquises. Oui, les Marquises. Ils m'envoient une très belle carte. Des Marquises. Sans enveloppe. Et sur la concierge, dans l'ascenseur, elle avait dû lire la carte postale. Elle me la donne. En rigolant, elle se marie. Je m'avais écrit des Marquises. Mon Michou, salut, petit cul fragile, fumes et du baisse. Oui, ok. Donc, elle l'a lu sans doute. Elle m'a demandé, elle m'a rigolé en deux. Oui. Non, mais il n'y a rien de gênant là-dedans. Au contraire, c'est des belles anecdotes. Moi, j'aime faire. Maintenant, c'est la vie, malheureusement, pour moi, je vais sur mes 88 ans. Félicitations. Peut-être qu'on sera plus plaisir de retourner à Québec. Pourquoi pas? Mais j'ai gardé un très grand souvenir. Et si j'avais à choisir ma vie où j'aurais voulu vivre, ça aurait été au Canada et à Montréal, au Québec. J'adore les... Mais vous avez presque dit oui à un moment donné de votre vie, mais il y avait le cœur qui était à Montmartre, donc... Quand je suis arrivé ici, je n'ai pas un souvenir. J'en ai fait de ce petit endroit qui est devenu maintenant un endroit célèbre. J'en ai fait une institution. C'est vrai, puis surtout quand on passe devant, c'est frappant. Ah ben, c'est frappant. Une belle façon. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, ils m'ont fait une très belle décoration d'été. J'ai tous mes cerveaux et son petit marin. Ah, je vais aller voir. Je vais boire un verre avec moi tout à l'heure. D'accord. Ah, vous allez bien prendre un verre tout à l'heure. Dites-moi, mademoiselle. Elle est prise dans le livre de Michou. Ah, voilà, elle le connaît par cœur. Elle le relit, regardez, dans mon livre. Michou, prince bleu de Montmartre. Plus fort que la lumière des spotlights. It's alright, it's alright. RLLF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. you are mine at Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard. Une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com. Mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones. Je tombe de mon trône quand t'es pas là. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mandrin sans sa coupe. Thank you. aux éditions, éditions Cherche Midi. Et vous l'avez écrit pour que l'on se souvienne de cet endroit mythique et de vous, de votre passage. J'ai un bon ami qui s'appelle François Sousse. Lui, quand je suis avec vous, je vais raconter une histoire de un jeune Michou, je ne sais pas, on va l'écrire. En mode où il est, ça dure un autre. Je raconte avec lui un bon petit goût, c'était ma faiblesse, un petit verre de champagne. Et puis je me laisse aller, je raconte. Un jour, on fait le manuscrit. Et puis, il me présentait à un éditeur. C'est directement par là-bas. Et puis. Et l'éditeur, moi je suis bien. J'en fais 1000 ou 2000. Ça sera bien, mais moi je n'ai pas d'argent. Si ça marche, ça profite des petits gamins, des petits boulevaux. Et figurez-vous, des 2000 que je pensais faire au maximum, j'en suis à 20 000. Eh, hey, c'est bien. Je suis fier. Excellent. Merci à François. Il y a des gens qui vous ont aidé, qui vous ont chapeauté, qui vous ont suivi. Vous avez des... Oui, je le petit gars qui a vu sa province. Bon, j'ai déjà des gourdis, quand même. Oui, OK, vous aviez déjà... Des gourdis. Oui, de l'expérience, tu vois. Mais comment vous avez choisi Montmartre? Est-ce que c'est Montmartre qui vous a choisi aussi? C'est pas eu le destin. La guerre du Nord. C'est ce qui arrive. Je suis monté à bout de Dunkerque. Je suis arrivé à Place Blanche. Dans l'admiration dans le Moulin Rouge. Oui, ben oui. Devant le Moulin Rouge. Et j'ai trouvé un petit hôtel pour les affecter. Une petite chambre. Que vous avez à l'endroit, vous viviez là, c'est ça? Vous viviez à cet endroit-là? Il y a beaucoup de choses à prêcher. Vous lirez mon livre. Oui, oui, oui. Avec ne ratez pas une page. Je dis parce que vous avez beaucoup de voir. Et l'autre jour, je suis fier de dire que tout le monde me félicite. Il y a une dame qui est venue l'autre jour. Michou, j'ai votre livre, je l'ai lu. C'est touchant. C'est touchant. Non, c'est vraiment parce que vous êtes représentatif aussi d'une époque. Vous êtes représentatif d'une époque. Je l'ai chanté. Moi, je suis Michou. Un destin voulu. Ah, merci. Oui. Merci. J'ai 10 questions de la fin et on va voir où ça va vous mener. Je pense que la première, je connais un peu la réponse. Si vous étiez un liquide. Oh, évidemment, vous l'avez compris. Mais pourquoi le champagne? Vous êtes vraiment. Quand on parle de Michou, on parle de champagne aussi. Allez-vous. L'autre jour, vous avez les Michou, regardez ça, regardez. Les Michou, arrêtez-vous, vous avez. Sans champagne. Mais d'une demi de plus. Mais pourquoi le champagne, ça aurait très bien pu être du vin? Bien, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Regardez. Et c'est festif aussi. C'est délicieux. Et voilà. On va boire un verre en ça. Oui, ben oui. À nos amis. Alors, nos amis québécois. À nos amis québécois. Il me reste à peu près une minute parce que mademoiselle attend après moi. Non, pas du tout. Ok. Ah, oh, je pensais. Ah, oh, d'accord. C'est, je pensais c'est que c'était. Ami, c'est ah, oh, d'accord, d'accord. Ok. Prends ton temps. Après, merci, merci. Si vous étiez une ville. Une ville. Ah, ça c'est difficile. Une grande question. Ça peut être aussi votre lieu de naissance. Si vous voulez. C'est juste. C'est une question. Bizarre quand même. Peut-être Paris. Paris, c'est une ville merveilleuse qui m'a adopté. Et ce village, mon oui, ben oui. Si vous... Eh bien, si j'avais été. J'avais une belle ville, un beau village. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi. Qui a eu beaucoup de changements depuis. qui s'est modifié. Oui. Mais l'intérêt, c'est que vous restiez encore là. C'est ça, vous êtes encore présent, vous êtes regardez, encore... Regardez, chaque soir, j'ai le plaisir d'avoir ma jouvence. Oui, oui. Depuis ma jouvence du champagne. Comme disait Jacques Higelin, du champagne pour tout le monde. Si vous étiez une époque... Peut-être à une époque. Ça, je... Ah, oui. C'est pas mal, hein? Peut-être 1900. Ah oui? À l'époque 1900. À cause des vêtements, à cause de tout ce qui... Merde, vous n'avez pas la question. C'est une vraie femme. Hein? Si vous étiez un aliment... Un aliment? Non, un aliment. Un aliment. Un aliment. À manger, là. Ben, exactement. Si vous étiez un aliment, ce serait lequel? Oh, vos questions! Ouais, c'est indiscret. C'est peut-être indiscret. Non, un aliment. Si j'étais un aliment. Un aliment. T'aimes bien le saumon, non? Oui. C'est un chocolat. Un chocolat? Ah oui. Ouais, c'est bien. Chocolat, c'est ah imaginé, oui. Oui, effectivement. C'est luxueux. C'est luxueux, ouais. Oui, effectivement. C'est si... le chocolat. Mais c'est bien croquant. Après du champagne. Ben oui. Il faut quand même laisser les bulles fonctionner. C'est terrible. Oui, c'est, oui, je sais. Je vois des questions. J'ai presque terminé. Si vous étiez une saison. Le printemps. Oui, la Renaissance. Évidemment, le printemps. Comment vous vous êtes connu? Parce qu'il y a quand même une génération. Comment tu as connu Michou? En fait, moi, j'ai connu Michou. J'avais 7-8 ans. OK. À la télévision par ma grand-mère. Et puis, hein, je viens à ma grand-mère, bizarre, ce bonhomme en bleu. Donc, elle m'explique, voilà, c'est Michou. Je rêverais de le rencontrer. Il faudra un jour que tu viennes avec moi à Montmartre, à son cabaret Le Vin. En fait, c'est comme ça que j'ai connu Michou à la télévision. Et puis bon, ben, un jour, voilà, ma grand-mère est décédée et malheureusement, elle n'a jamais pu avoir la chance de rencontrer Michou. Et en fait, donc j'ai lu le livre de Michou. J'ai appris qu'il avait sorti un livre. Donc j'ai lu le livre de Michou. Et tu es journaliste? Pas du tout. Ok, non. J'ai lu le livre de Michou et j'ai souhaité le rencontrer parce que ce qu'il écrit en fait dans son livre, ça m'a énormément touchée. Parce que la façon dont il parle de sa grand-mère, je me suis énormément reconnue. Parce que j'étais aussi très attachée à ma grand-mère. Et j'ai voulu rencontrer Michou et voilà. Et là, tu le connais depuis Paul là. Et depuis janvier, et puis voilà, j'ai dit à Michou que son livre m'avait beaucoup touchée. J'ai écrit un texte sur Michou et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais quitté. Je l'ai inspiré, je suis fier. Parce que je sais le faire. À son tour, un très beau livre. Ah oui, mais depuis janvier, tu viens fréquemment ici rencontrer Michou. Je l'aime même à l'extérieur, je le vois à l'extérieur, ça m'a énormément. Elle est très amie. Ah oui. Elle est très intime. Oh. Elle est très amie. Et très intime. Alors, avec un grand ami à moi, l'attaché de presse, qui s'appelle François Deblay. Oui, qui est caché quelque part ici. Là. Ah, il est là, bon, il est caché derrière. Là. D'ailleurs, c'est qui c'est pour les gars. Et voilà. Comme tous les matins, le soleil soulève entre les. Soir obligatoire, les miroirs du couloir multiplient ma silhouette. L'ascenseur me fait peur, à chaque étage mon cœur s'arrête. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. traversant la ville à 200 à l'heure. On mène à l'urgence un homme immobile avec une pile à la place du cœur. La semaine, je me démène de 9h jusqu'à 5h. Le trafic me panique quand je roule à la noirceur. Le parking du building a toujours la même odeur. En rentrant dans l'appartement, j'allume mon climatiseur. Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. Tu portes des couleurs très acidulées, comme les bonbons anglais. Tu as de la saveur, du fondant c'est vrai, comme les bonbons anglais. On s'est rencontrés dans des murs dorés. C'était dans l'entrée d'une boîte décorée. Oh, what a party, you told me baby. Do you want to be my candy? Peu importe l'heure, j'aime bien te croquer comme les bonbons anglais. Et sans nous cacher, nous restons collés comme les bonbons anglais. On s'est retrouvé bien embarrassé d'être si collé au fond du sachet. What happened to be is that eventually we became sticky like English candy. J'aime ta saveur terriblement sucrée comme les bonbons anglais. Ce que tu me fais, c'est le même effet que les bonbons anglais. Parce qu'on a des papiers qui sont très intéressants, donc je remercie les gens, Michou a remercié. Ah ben oui, oui. Et du coup, voilà, son livre m'a touchée et je me suis reconnue sur beaucoup de choses dans le livre de Michou énormément. Voilà, moi aussi je suis une très grande rêveuse, on a toujours envie de réaliser nos rêves, on y croit et fortement. Et c'est vrai que Michou, ben, c'est vraiment un exemple, quoi. C'est vraiment le symbole. Voilà, il a créé quelque chose, il est allé, il a laissé sa province, ouais. Il arrive à Paris et sans le savoir, il a ouvert ce commerce et il a fait une institution, il a créé un personnage. Et à travers ce livre, c'est pas Michou en fait que j'ai vu. C'est pas Michou que j'ai vu à travers ce livre, mais plus que son vrai prénom. Et ça m'a énormément touchée. Voilà. Et as-tu une formation journalistique? Pas du tout. Pas du tout, je suis okay. Pas du tout journaliste. Okay. J'ai voulu rencontrer Michou par rapport à ma grand-mère parce okay. que c'était le souhait en fait, de ma grand-mère. C'est le lien, c'est le livre qui t'a réuni à Michou. Voilà, et j'ai voulu rencontrer Michou parce que son livre m'a énormément touchée et j'avais envie de lui dire mes impressions sur ce livre. Et voilà. Et Michou, bah, tel qu'il est, il est très humble et il est très sociable. Et, ben oui, voilà. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais quitté. Quoi. C'est une histoire incroyable. Mais... Est-ce que tu veux te nommer au micro ou... Comment? Est-ce que tu veux te nommer? Non? Oui, pourquoi pas. Ok, allez. Comment? Sandy LR. Sandy? Sandy je voudrais dire un petit mot. Sandy LR. LR, ok. Voilà. Et est-ce que tu viens de Paris? Oui. OK. Alors, tu savais qu'il trônait ici, dans ce coin-ci, donc... Voilà, c'est ça. Okay. Moi, je vais vous dire simplement, parce que je vais me dire adorable. Je viens de dire ça, moi, c'est très doux. Oui, oui, mais... Avant de conclure, oui. Je vais simplement vous dire, on va voir un petit verre ensemble. D'accord. Et vous raconter un peu l'histoire, qui sont aussi très touchants. Tout simplement, je vais vous dire merci. Et j'ose espérer que tous nos amis québécois auront plaisir à lire ce livre, Michou, Prince de Montmartre, aux éditions Cherche Midi. Voilà. Et bonne lecture, bonne lecture à tous mes petits Canadiens québécois. Et je vous, tant pis pour vous, je vous embrasse. Et voilà. Et je vais terminer avec des photos, ça vous dérange pas? Oui, oui. D'accord. Je vais faire pour le Michou officiel, je vais faire des photos aussi. Ah oui? Ok, oui. Par contre, tu peux dire que pour trouver toute l'actualité de Michou, il y a tout ce qu'il fait sur Michou. Oui, sur oui, j'en parle en ordre, pas à la régie. Il y a le site internet du cabaret, oui, mais. Oui, oui, oui. Déjà, moi, je prends déjà. Tu veux commencer? Hein? Tu veux commencer les photos? Je vais juste. Ok, vas-y. Attendez. Donnez-lui un verre et moi un verre. Avec plaisir, oui. Ah, tu vas faire une photo. La même chose que Michel. Ouais. Et on va trinquer. Allô, Québécois. Ok, vous voulez prendre une photo en trinquant. On va bien avec ton. Oui. À tous les enfants. Je vais arriver l'histoire d'aider. Ce qui m'est arrivé. On y va. Attends, je vais. Ah non, on va oublier un verre, ok. Sans champagne. Ah oui, ok. On va dire que je suis mourant. On ressuscite à chaque soir. C'est marrant parce qu'il connaît quelqu'un que je connais depuis des années, Didier Ouvrard. Oui, ben oui. Cher chanson. Ah oui, effectivement. Eh ben moi, quand je lui dis un nom, il a sursauté. Permettez-les. Parce que moi j'avais le plus grand. Le plus grand personnage. Ah, tu veux prendre une photo avec le champagne, c'est ça? Avec le champagne, mais Michou, okay. C'est avec le champagne. Oui. Écoute-moi, quand je dis à notre ami québécois le nom d'un personnage qui m'a emmené deux fois au Canada, d'un grand monsieur. Ben oui. Je vais lui dire non, je l'ai trop cher. Et qui voulait absolument que je vois mon Michou au Canada. Et quand je lui dis non, il a toujours ben oui. Guy la traverse. Guy la traverse. Grand producteur, oh, ben oui. Incroyable. Celui qui m'a emmené. Il trouve. Et toi, tu prends pas de champagne? Ok, ah, d'accord. Attendez, bois, tombe la photo. Ah, déjà, voilà. Alors, regardez-moi déjà tous les deux, parce que comme ça. C'est marrant, on dirait qu'il y a une espèce de bébête là. Ah bah oui, mais on peut pas toucher les bébêtes. Le logo de ton truc que je vois. Allez, à ce grand moment d'amitié, à nos petits amis québécois. On va peut-être une petite vidéo, comme ça, serrez-vous. Comme ça, donc, Michou, ça se voit à quelle époque ça va passer quand Après les fêtes, au mois de janvier. Au mois de janvier? Oui. Mais vous préférez avant, ça me dérange pas. Ok, quand? Parce que là, on est au mois de juillet. Oui, mais moi, c'est la programmation automne-hiver, donc c'est quand? Automne-hiver, mais le plus tôt possible. Ok, parfait, excellent. Ok. Je trinque. Attends, Michou, 1, 2, 3, 4, 5, ok. À ce grand moment d'amitié avec nos amis et québécois. Merci. À Québec, au Canada, enfin, tous mes amis. Allez, merci. Et voilà. Merci. Est-ce que tu veux parler de Michou en deux secondes à côté de Michou? Oui. Une vidéo ici, comme d'accord. Ça, je la mettrai sur sa page. Oh non, j'ai dit une connerie. Non. À tous les Montmartre 3. J'ai pas dit canadien? Non. Canadien, québécois. Non, québécois. Oh, oui, québécois. Oh, oui. Non, tout est correct, je vous aurais... je me serais... Et toi, tu dis, ben, vous allez vous retrouverez Michou, vous retrouverez au quai de Michou, on dirait. Dans... Oui. Puis, surtout, toi, avec Michou. Certains veulent plus sur Michou. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Alors, vous retrouverez Michou à CKRL le 89 à Québec, très bientôt. Alors, j'arrive à Québec, à tous les amis, et à bientôt. Et voilà. Excellent. C'est simple. C'est Michou, tu vois. C'est bien. Je te l'envoie la petite vidéo aussi. Parfait. Et là, c'est à mon tour. Coucou. Ah ben, coucou. Oui, mais ben, je peux pas parce que... Ouais. Ah ouais, oui, mais il est très difficile, hein. Donc, c'est... Ouais, exactement. Non, tu regardes dans le... Oui. C'est bon? Un petit coucou à nos amis. Est-ce que ça fonctionne? Des fois, non, hein. Non, il n'y a pas de vie? Un ah voilà, oui, oui, excellent, ça a fonctionné. Oui. À vos amis canadiens, à Québec. Merci. Merci. Merci Michou. T'as pas une chanson québécoise? J'aimerais revoir mon rêve. Tu l'as dans ton truc. Tu sais, Guy La Traverse dont je t'ai parlé. Oui. Devant lui. Il était ami avec moi cette chanson. À qui exerce ses chapeaux. Oui, oui, oui, oui. Comme tu l'appelles. C'est une Québécoise? Oui, tu m'as dit non tout à l'heure. Ben, Guy La Traverse. Diane Dufresne. Ah, Diane Dufresne, oui. Ah, oui, oui, oui, Diane Dufresne, oui. C'est un grand ami à Diane Dufresne. Ben oui, entre autres, oui. Quand j'étais à Montréal, il m'avait fait connaître Diane. Ben oui, Diane Dufresne, effectivement, l'extravagante demoiselle de Montréal. Ben oui. Notre, hey, merci il est très ami avec Fabienne. Oui, bonjour. Oui, effectivement. On devait se rencontrer, Fabienne, ici. Mais je crois qu'il y a eu un contretemps. Ah bon? Oui, oui, oui. Là, vous avez d'autres rencontres? Vous avez d'autres rencontres aujourd'hui? Non, là, non, ah, c'est non? Juste un ami producteur là, qui de, ah oui, oui, oui, ok, oui, oui. Donc, il vient comme ça. Okay. Ah, la fille. Ben, moi, elle m'a dit, je fais un... Oui, pour une fille. Libération. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Il arrive, déjà, je me... Vous savez, je suis pas venu beaucoup à me dire, moi, ben... Ben moi, m'a pas dit ça, elle m'a dit, je veux faire une accroche avec Michou par rapport au disque de la nuit, par rapport à la présidence de Montmartre, parce qu'on a un président de la République à Montmartre. Mais ça n'a pas fonctionné. Bah, je n'ai pas trop compris moi non plus. Ah, je viens de la voir. Je viens de la voir au téléphone, Pascal. Elle m'envoie en JPEG. Voilà. Ça va, Michel? Alors? Eh ben, je vois. C'était la première cigarette que je fumais dans ma cachette. Évidemment, elle m'a fait tousser, et c'est pour ça que j'ai recommencé. C'était ma première cigarette, et c'était loin d'être la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, on ne le sait que quand on en a repris. La première coupe de champagne, c'était pas le goût du champagne. Et le premier verre de bière, c'était pas le goût de la bière. Mais la première fois que tu m'as embrassée au cinéma, c'était la première fois, mais ça avait déjà le goût de toi. Comme ma dernière cigarette que j'ai fumée dans ma chambrette, évidemment tu l'as allumée. C'est pour ça que je l'ai adoré. C'était ma dernière cigarette, et c'était vraiment la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, je ne le sais que quand tu es ici. Pam padadam padadam, pam padadam padadam, pam padadam padadam.